productive. Das Wort fruchtbar bedeutet produktiv zu sein. Le mot fécond, ça signifie de se reproduire, d'avoir la capacité de se reproduire. Having children is to be productive, but the blessing is not limited to children. Amen. Kinder zu haben bedeutet produktiv zu sein, aber der Segen begrenzt sich nicht nur auf die Kinder. Avoir des enfants, ça signifie c'est aussi une bénédiction, mais la bénédiction n'est pas seulement limitée aux enfants. C'est encore Amen. Plus que ça. Amen. It means to be productive. It means to produce something. Es bedeutet produktiv zu sein. Das heißt etwas zu produzieren. Être productif, ça signifie d'être activement, de produire quelque chose activement. Donc tu fais. Amen. Again, the word fruit. Amen. The word fruit means there is a seed already. Und das Wort fruchtbar bzw. Frucht in dem Wort impliziert, dass es bereits einen Samen gibt, der gesät wurde. Et le mot fruit, d'être productif, de faire sortir, d'avoir des fruits, ça signifie, dans ce mot-là, il y a aussi une graine. Donc chaque fruit a une graine en soi. Amen. You cannot use the word fruit. I said there is the word seed. Du kannst nicht von Frucht Galatians oder von Fruchtbarkeit sprechen, wenn es nicht vorher schon einen Samen gibt, der gesät wurde. Tu ne peux pas parler d'un fruit sans être capable à parler d'une graine. Donc fruit et une graine, c'est toujours quelque chose qui sont Galatians 5 qui passe l'un à l'autre. Wir lesen Galater 5 Vers 22. On va lire Galates 5 verset 22. It talks about the fruit of the spirit. Da geht es um die Frucht des Geistes. Et là, il s'agit du fruit de l'esprit. It means there is the seed of the spirit. Das heißt, es gibt auch einen Samen des Geistes. Et quand on parle d'un fruit de l'esprit, ça signifie qu'il y a aussi une graine de l'esprit. Is somebody getting it? Praise the Lord. Without seed, you can never have fruit. Ohne Samen wird keine Frucht entstehen. Parce que sans une graine, un fruit ne peut pas. The word of God is the seed. Das Wort Gottes ist der Same. La parole de Dieu, c'est ça. That's 1 Peter 1:23. Amen. Das lesen wir in 1. Petrus 1. Et ça, on voit ça dans 1 Pierre 1:23. Inside the word, you have the fruit. Und innerhalb dieses Wortes hast du die Frucht. Et dans la parole, là tu vas voir le fruit. The spirit of the word is called the fruit. Der Geist des Wortes ist die Frucht, die herauskommt. Et l'esprit de la parole, c'est normal, maman. The spirit of the word is called the truth. L'esprit de la parole, c'est la vérité. Der Geist des Wortes ist die Wahrheit. The word is the body. The spirit is the inside, which is the fruit. Das Wort spiegelt sozusagen den Körper wider. The body. Und die Frucht, die im Inneren ist, das ist der Geist. Donc, la parole, c'est comme le corps, et le fruit, c'est l'esprit. Amen. C'est l'intérieur. It's like Jesus and Christ. Es ist genauso wie mit Jesus und Christus. C'est comme Jésus et le Christ. A lot know Jesus, but they don't know Christ. Viele kennen Jesus, das Äußere, aber nicht Christus. Und Christus ist das Innere. The inside, they cannot get it. Il y a beaucoup de personnes qui connaissent Jésus-Christ, le corps, la personne, mais ils connaissent pas l'intérieur qui est le Christ. It's like this house, for example. If somebody passed through here and said, they will always say, I know this house, I know it. But do they know it? Have they been inside? Until you are inside, you know what is here. You don't know this house. Amen. So also, a lot, they see Jesus. But the inside that is Christ, they cannot see it. They are so blind towards it. Es ist genauso, wie wenn jemand hier vom Haus steht und sagt, ach, ich kenne dieses Haus, ich bin schon 1000 Mal hier vorbeigelaufen. Aber Du kennst das Innere des Hauses nicht. Und genauso ist es mit Jesus Christus. Viele kennen Jesus, das Äußere, aber das Innere, den Christus, den kennen sie nicht. Et c'est tout comme les gens qui passent ici disent que ah cette maison là je la connais, mais ils connaissent pas l'intérieur de cette maison, ils savent pas combien de chambres on a par exemple. Et c'est tout comme aussi les gens ou bien les soi-disant enfants de Dieu, ils disent qu'ils connaissent Jésus, ils disent qu'ils connaissent Jésus le Fils de l'homme, hein, mais ils connaissent pas le Christ en lui, qui est le Fils de Dieu en lui. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You see, churches to the religion, it's outside. They see outside. Mm-hmm. It's all about Jesus, but the Christ, the inside, the truth. Amen. They embrace the word, but they hate the truth. Mm-hmm. The spirit, the word is outside the body. The spirit inside is the truth, but they reject the truth. Mm-hmm. The spirit is the salvation. The spirit is the victory, but they reject it. Und das sieht man auch heutzutage in vielen in Religionen und in ganzen Kirchen, die es heutzutage gibt, dass man quasi Jesus willkommen heißt und das Äußere willkommen heißt und das Gut heißt und von außen alles nach Jesus aussieht, aber das Innere, den Christus, die eigentliche Wahrheit, die verweigern sie und die lassen sie nicht rein. Tout comme les gens aujourd'hui, les gens de ce monde, eux, ils veulent dire, ils disent toujours que oui, on aime Jésus. Donc, ils aiment toujours l'extérieur, ils aiment le corps, mais l'intérieur, la vérité du Christ, hein, ce qu'il dit dans sa parole. Les gens disent que oui, mais c'est trop amer, c'est trop dur. Donc, ils n'aiment pas la vérité, mais ils aiment dire que oui, nous sommes les enfants de Dieu. Amen. Amen. Again, the spirit of the world is called the truth. Oui, le Fils... Mama hat eine Frage. Okay. She was asking, Jesus is twice. Jesus and Christ, they are two different people. Jésus et le Christ, ce sont deux différentes personnes. Praise the Lord. Yeah. We understand it. Ah, I will explain. Le Fils de l'homme, donc le corps est dans le Christ qui vient de Dieu lui-même. Le Fils de Dieu, le Christ de l'homme, donc l'esprit dans le corps. Mais tu vas le comprendre bientôt, elle a dit. You know, if I give you a gift, I wrap it in a carton, put it in a carton. If I buy you a shoe, I put it in the carton. The carton is the body. You can see it. But the gift is not the carton. The gift is the shoe. You have to open the shoe. You have to open the carton to get the shoe. Par exemple, quand par exemple tu as un cadeau, on te donne un cadeau, tu vas voir que le cadeau, il y a un carton dans le cadeau, tu vas voir. Mais le cadeau actuellement, c'est l'intérieur du carton. Par exemple, si on te donne des chaussures, par exemple, on te donne les chaussures et dans, on te donne des chaussures dans un carton, on te dit voilà, c'est un cadeau. Tu vas considérer qu'est-ce qui est ton cadeau réellement. Ce n'est pas le carton qu'on va te donner, mais c'est l'intérieur du carton qui sont la paire de la chaussure. Are you getting it? No matter how beautiful the carton is, that is not the gift. The gift is inside the carton. So also Christ is inside Jesus. Allah see Jesus, but they cannot see the Christ inside. We will go to some places so that you understand it better. C'est comme, peu importe la beauté de l'extérieur, ce qui est à l'intérieur, c'est ça qui est important. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent voir peut-être Jésus-Christ, mais ils ne connaissent pas le Christ qui est en lui. C'est comme par exemple, tu prends aussi cette église. Ils vont voir à l'intérieur, ils peuvent dire, ok, il y a des gens qui crient Jésus-Christ et tout, mais tant qu'ils ne sont pas à l'intérieur, tant qu'ils ne connaissent pas la parole, ils ne vont pas connaître vraiment la source, donc la vérité qui se trouve à l'intérieur. Donc c'est la même chose avec Jésus-Christ, l'extérieur, enfin, Jésus, c'était le corps, c'était le Fils de l'homme, mais ce qui l'a rendu le Fils de Dieu, c'est l'Esprit qui était en lui. Donc c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de personnes aussi dans l'Ancien Testament, ils connaissaient Jésus-Christ, ils connaissaient Jésus, mais pas le Christ en lui, parce qu'ils ne voulaient pas accepter la vérité. It's like you yourself, you and your spirit are two different people. Mm. Your body and your spirit. Toi, par exemple, toi, ton corps et ton esprit sont deux choses différentes, sont deux personnes différentes. Your parents, they are the mother of your body. Tes parents sont les parents de ton corps. But Christ himself is the mother, the father of your spirit right now because you are saved. Mais le Christ lui-même est le père de ton esprit parce que tu es sauvé. You know, if your mother is alive today, come to you, you think that she's still your mother. But she's no longer your mother because you now belong to another family. Et si par exemple ta mère est encore vivante aujourd'hui, elle est plus ta mère si elle n'a pas reçu. Enfin, elle est plus ta mère parce que toi, tu fais partie maintenant d'une nouvelle famille qui est la famille du Christ. Donc, bien sûr, elle va rester la mère de la chair, mais elle ne sera jamais la mère de ton esprit si ton esprit appartient à Jésus-Christ. That's why in Matthew 12, let's go to Matthew 12. Matthew 12. Matthew 12. Look at what Jesus said to the mother. To his mother. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Because it's no longer about the body. You gave birth to the body and not to the spirit. Are you getting it? From verse 46 to the end. Matthieu 12 à 46. We are born by the word. Nous sommes nés de la parole. Praise the Lord. Hallelujah. He said, while he yet talked to the people, behold, his mother and his brethren stood without, desiring to speak with him. 47. Then one said unto him, behold, your mother and your brethren stand without, desiring to speak with thee. But he answered and said unto him, who is my mother and who are my brethren? Praise the Lord. Jesus is separating things here. That the body and the spirit, they are two different people. Ici, on voit l'histoire quand Marie cherchait Jésus-Christ. Vers 48, il a dit, quand on lui a demandé, à 47, on lui demande, ta mère te cherche. Et à 48, il dit, mais Jésus répondit à celui qui lui disait, qui est ta mère et qui est ma mère et qui sont mes frères. Puis, tendant la main sur les disciples, il dit, voici ma mère et voici mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père et qui est dans le ciel, celui est mon frère et ma sœur et ma mère. Praise the Lord. Donc ici, il a séparé le Christ, il a séparé sa mère charnelle et la chair et l'esprit en fait. Amen. Ja, und deswegen auch bei Jesus, deswegen beten wir nicht das Äußere von Jesus jetzt an. Wir hängen ja kein Bild von Jesus auf und beten seinen Körper an. Oder, wir haben ja jetzt kein Problem, weil Jesus physisch weg ist. Er ist immer noch hier, auch wenn sein Fleisch, sein Körper, auch wenn der Menschensohn nicht mehr physisch hier ist, ist er immer noch hier, weil sein Geist ist halt immer noch hier. Und deswegen gibt es sozusagen irgendwie dann schon zwei Jesus. Donc en fait, elle veut aussi dire que c'est pour cela on n'a pas des comme dans des églises catholiques, je sais pas dans quelles églises, ils ont toujours physiquement une Jésus-Christ physique, une photo de Jésus, un truc qu'ils sont en train d'adorer. Nous, on est en train d'adorer l'esprit, l'intérieur du Christ, parce que physiquement tu peux pas le voir, mais tu sais que son esprit vit aujourd'hui toujours, il vit en toi et en moi, et c'est pour cela, oui, c'est physiquement ou bien compréhensivement, on peut dire aussi que oui, il y a aussi une différence entre la chair et l'esprit, et oui. Mais c'était toujours important qu'il puisse venir charnel pour mourir pour nous, pour que cette chair soit transformée en esprit en fait. Praise the Lord. If you read here, anytime, okay. Damit man das besser versteht, es ist nicht zwei Personen, ja, also können das mal erklären, es sind nicht zwei Personen, es ist eine Person, genauso wie du eine Person bist, nicht zwei Personen bist, aber du hast zwei Status, es ist zwei Status, einmal der fleischliche Status und der göttliche Status, und dieser göttliche Status ist das, was Jesus schon immer gewesen ist, und hat sich aber entschieden, wegen unseretwegen den zweiten Status anzunehmen, nämlich Menschensohn zu werden. Und dieser zweite Status war halt hier, hatte Hunger, hatte Schmerzen, danach, wo er das verbracht hatte, hat er diesen Status, selbst diesen Status, den er hatte, auch selbst diesen Status hat er dann verherrlicht und ist damit in den Himmel gegangen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass es nicht zwei Bewusstsein sind, also nicht eine, also zwei Personen, der eine denkt so, die andere hat so, also zwei Willen, sondern eine Person, ein Wille mit zwei Status. Donc, Ogeva dit que c'est vraiment important de comprendre que pour ne pas être confus, c'est une personne, oui, mais avec deux statuts. Tu vois, il avait le statut de Dieu, hein, parce que la Bible nous dit aussi qu'un fils, un enfant est né et un fils nous a été donné. Donc, ça fait voir que c'est une personne, mais avec deux statuts. Donc, il est déjà un Dieu qui est venu, qui pour nous sauver, il a pris un deuxième statut qui est charnel pour que nous, aujourd'hui, on puisse aussi avoir deux statuts. Tu vois, donc, il était d'abord, il était seulement, son statut, c'était seulement un Dieu. Et nous, on avait aussi seulement un statut, donc les gens charnels. Mais lui, il a pris un deuxième statut, hein, comme une double nationalité. Il a pris le deuxième statut et il est mort pour nous, pour qu'aujourd'hui, nous aussi, on puisse aussi avoir deux statuts quand on lui prend, quand on lui choisit comme Seigneur et Sauveur. Und dieser, ja, dieser fleischliche Status, dieser Mensch, der Status, ist nichts ohne den geistlichen Status. Der geistliche Status macht den fleischlichen Status zu dem, was es ist. Das heißt, wenn man versucht... See Christ Jesus as two and not as one. I don't see Christ and Jesus as one. I see them as two. And that's how I can see myself as two. I see myself as two and not as one. And that's why when I see religious people, I can see that they're after Jesus but not after Christ. You can see the separation. They are after the world and not after the truth. You see it? So also myself, when I see, well, sometimes when I'm doing things, I don't want to go to the other side, the old me. You can see it. It's not the new me. I always see myself as two. The old is dead and buried, so I'm no longer there now here, one. You understand me? If I don't see myself as two, If things come, I will not be fast to get away from it. If somebody offend me, instead of me to slap that person, I will see the old man gone. The old me, I don't remember that, the other side is gone. You see, it helped me to know that I should stick to one side. I don't know if you get it. I always see Christ Jesus as two and not one. Why? Religion, they are after outside. If you see them today, they will say we have one God. We don't have one God. There are many gods there. Are you getting it? The devil is also called God. You understand me? So also Christ Jesus. He said if you preach other Jesus, they preach other Jesus, but the difference is Christ. No, they preach different Jesus. You understand me? But the difference is Christ himself. That is the spirit of Christ. They cannot get there, but the body is divided everywhere. En fait, moi, par exemple, I hope you get what I just said. Maman dit, par exemple, elle voit Jésus-Christ comme deux. Parce que le Jésus, c'est la chair qu'elle voit, et le Christ, c'est l'esprit qu'elle voit. Parce que pour comprendre que dans Jésus-Christ. Ihr müsst aufhören zu reden, sonst kann sich konzentrieren. Ich wollte schon wissen, ob das Pause ist. Bon, je t'ai dit, parce qu'elle dit, elle voit deux, parce que les gens religieuses ne sont pas capables à voir le Christ. Et ils voient toujours la chair et pas l'esprit. Et c'est pour cela, donc ils ne divisent pas ça. Ils sont en train de mélanger tout et c'est pour cela qu'ils sont confus. Et c'est pour cela, pour le commencement, c'est peut-être plus facile de voir que... Parce que nous, on a aussi notre ancienne personne. Elle dit, par exemple, elle, si tu l'offenses, elle doit se rappeler de la deuxième personne qui est le Christ pour ne pas te gifler. Parce qu'elle dit que si je vois seulement toujours un, je peux aussi tout mélanger et commencer même à te gifler. tu vois. Mais je dois toujours faire cette distinction que, oui, moi, j'étais une, c'est l'ancienne personne qui veut gifler, mais c'est mon esprit qui dit que tu ne gifles pas, qui dit que donne même ta deuxième joue pour qu'on te frappe aussi, tu vois. Donc, elle doit toujours distinguer ça et pour voir la différence, en fait. Mais tu comprends, hein, c'est quand on dit... Amen. We don't preach the word, we preach the spirit of the word. Nous, on ne prêche pas la parole, mais on prêche l'esprit de la parole. Tout comme, par exemple, la Bible, c'est la parole, tu vois. Mais c'est l'esprit qui est vivant dans la Bible qui est nécessaire pour nous. Amen. Inside the word is the spirit. Parce que dans la parole, il y a l'esprit de Dieu qui est vivant. It has the Holy Spirit also the inside. Parce que tu as besoin du Saint-Esprit pour être capable d'avoir la Bible, pas comme un livre ordinaire, pour voir l'intérieur, pour comprendre ça, tu as besoin de le Saint-Esprit. If you look at churches today, it's always about Jesus, the outside. That's why I say if you preach another Jesus, you understand me? Because there are many Jesus everywhere. The Bible, the churches are divided. Yeah, it's all about Jesus, Jesus everywhere. Parce que les gens disent qu'on a un seul Dieu. Elle avait dit aussi que non, il y a deux dieux. Là, le Dieu de ce monde et notre Dieu qui est Jésus-Christ. Et c'est pour cela les gens religieux, ils sont en train de prêcher. Mais actuellement, ils sont en train de prêcher des Jésus différents. Parce que leur Jésus, qui est seulement l'extérieur, qui est... apprendre sans l'esprit, c'est pas le nôtre, parce que le nôtre, on peut avoir seulement la relation avec le Christ seulement à travers son esprit. Donc, il y a même des Jésus différents, parce que eux, c'est pas le vrai. C'est sans le Saint-Esprit, c'est pas le vrai. You know, Jesus Christ, you know, when in Matthew 16, when Peter said you are the Son of God, it's true he's the Son of God. He came here to teach us how to live as a Son of God. He is the Son of God. But he himself is God. If you look at John 14, they were still asking him, show us the Father. You understand me? Because if you see Jesus as a Son of God, to see him as a Son of God and to see him as God are two different things. Mm-hmm. Then Jesus said in John 16. He said, the Spirit of the truth, once he comes, that is the Holy Spirit, he will help you to know that I'm God. He is God. But it takes the Holy Spirit to believe that he is God so that he will control your life. It's not he is God in your mouth. He is God from your heart. That you say it with your mouth does not mean he is your God. From your heart. If he is God from your heart, then he is the one in charge of you. It's called the truth. Der Geist des Wortes ist die Wahrheit. L'esprit de la parole, c'est la vérité. Jesus is the seed. Jesus ist der Samen. Jésus-Christ lui-même, il est la graine. Amen. The word is the seed. Das Wort ist der Same. La parole, c'est la graine. In the word, inside the word, inside the seed, there's always the fruit. Und innerhalb des Samens, innerhalb des Wortes, ist die Frucht des Geistes. Et dans la graine, il y a toujours l'esprit, l'esprit de l'esprit. John 12, 24, and let us see what Jesus said there. Wir lesen Johannes 12, Vers 24. Please, if you have anything, keep them for the treat. Amen. Mm-hmm. We will all have time, so that we will prepare for more retreats, so that people can express themselves and how the Holy Spirit leads you to what He gives you. You understand me? Amen. That's why I always say, once you leave here, go home. Go to the word again. Go to the message. What we preach here is not all. The Holy Spirit will reveal more to you. Yeah. You understand? Yeah. Praise the Lord. Donc c'est important de lire la vérité et le Saint-Esprit va te révéler et les questions que tu as, il faut vraiment avoir l'habitude de l'écrire et de chercher la compréhension. Donc c'était bien. John 12, 24. Johannes 12, 24. Except, Jean 12, 24. Verily, verily, I say unto you, except a corn of wheat fall into the ground and die. He's talking about himself. Amen. Hier spricht Jesus von sich selbst. Amen. Si Jésus-Christ parle de lui-même, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Amen. Amen. He said it abided alone, but if it die, it bringeth forth much fruit. Amen. Amen. Amen. Jesus is the seed. Jesus ist der Same. He sowed himself to harvest. Amen. Und yeah. Jesus Christus hat sich selber eingesät, damit wir entstehen können. Il a dit que il reste seul, mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc Jésus-Christ lui-même, il est le grain qui et puis dans, il est le grain et lui-même il s'est planté pour que nous on puisse se reproduire, puisse être les fruits pour qu'ils se reproduisent. Christ is the mist. Christ, the Spirit is the fruit. Und Christus, der Geist, das ist die Frucht, die et herauskommt. Le Christ, ça c'est le fruit. Amen. You know, Jesus talk about mystery. The mystery is the inside himself is the mystery, which is Christ, is the mystery, is the spirit. Das Wort spricht oft von einem Mysterium, also von einem Geheimnis. Und dieses Geheimnis, dieses Mysterium, das ist Christus, das ist das Innere, was in ihm ist. La parole parle toujours d'un mystère, et le mystère c'est lui-même, c'est le mystère, c'est le secret dans, oui. If you look at Jesus, Jesus is flesh and blood. Denn wenn wir uns Jesus angucken, sehen wir, dass er nur Fleisch und Blut ist. Parce que si on regarde Jésus-Christ, on va voir que Jésus-Christ, c'est, il est vraiment la chair. But the inside is God. Aber das Innere in Jesus Christus, das ist der wahrhaftige Gott. Mais l'intérieur de cet homme en chair et en os, c'est l'esprit, et ça, c'est le Christ. Like you and me. Genauso wie wir heute. Tout comme toi et moi. The inside of you is Christ Jesus. Das Innere von uns. Ist Christus Jesus, es ist Gott. Et tout comme toi et moi, quand on est né de nouveau, notre intérieur, c'est Jésus, c'est le Christ. Und dein äußerliches ist dein Körper. Et notre extérieur, c'est notre corps. You have the body, because without the body, you need the earth so to be able to live here on earth. Und du brauchst diesen that's Körper why, noch, why you have the body. Solange du hier auf Erden bist. Und das ist der einzige Grund, weswegen du diesen Körper hast, wegen et, dieser Erde hier. Et nous maintenant, on a besoin de ce corps pour être capable à vivre ici sur Terre. Parce qu'avec notre esprit, on ne peut pas vivre ici seulement sur Terre. On a besoin d'un corps. Amen. Amen. Jesus is the container. Und deswegen ist Jesus der Behälter. Et c'est pour cela Jésus-Christ, il est le conteneur. Er ist der Körper. Jésus, il est le conteneur. He is the outside. Er ist das Äußerliche. Il est l'extérieur. Christ is the inside. Und Christus ist das Innere. Et le Christ, c'est l'intérieur. Christ is the spirit. Christus ist der Geist. Et le Christ, c'est l'esprit. Remember the transfiguration. Erinnere dich an Mark 9. Let's go to Mark. An seine Verklärung. Dafür lesen wir Markus 9. On va lire Mark 9 pour nous rappeler de ce que papa nous a dit de la montagne. On appelle ça la transfiguration ou quelque chose comme ça. OK, la transfiguration en Mark 9. Praise the Lord. Amen. From verse 2 to 8. We quickly read. Amen. Vers 2 bis 8. Verset 2 à 8. Jesus revealed the inside of me. Und Jesus offenbart hier. Some of them. Jesus offenbart sein Innerliches zu einigen seiner Jünger. Dans la Transfiguration, on voit ici que c'est Jésus-Christ qui révèle à ses disciples son intérieur. And after 6 days, Jesus taken with him Peter and James and John and lifted them up into the high mountain. Apart by himself, and he was transfigured before them. Praise the Lord. Hallelujah. You can see that it's two people that are here. Es sind zwei Leute neben Jesus, Petrus und Jakobus und Johannes, drei Leute. Jesus and Christ, there are two people. Ach so, wir sehen zwei Leute sind hier, Jesus und der Christus. Et si dans le procès de la transfiguration, on voit qu'il y a le Christ et Jésus. Amen. Verse 3. And his raiment became shining, exceeding white as snow, so as no fuller on earth can white them. Mm. Verse 4. And there appeared unto before verse 4, verse 2 said he transfigured, he was transfigured before them. In Vers 2 lesen wir, dass er vor seinen Jüngern, dass Jesus vor seinen Jüngern verklärt wurde. Dans verset 2, on voit qu'il fut transfiguré devant eux, devant ses disciples. The inside was revealed. Das Innere von Jesus wurde offenbart. L'intérieur a été révélé. And they now describe the inside. Und jetzt wird das Innere von Jesus Christus beschrieben, also der Christus wird beschrieben. Et maintenant, ils sont en train d'expliquer le Christ. That's from verse 3. Amen. À partir de verset 3. And there appear on verse 4, and there appear unto them Elijah and Moses, and they were talking with Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. And Peter answered and said unto Jesus, Master, it is good for us to be here. And let us make three tabernacles, one for thee, and one for Moses, and one for Elijah. Praise the Lord. Hallelujah. For he wist not what to say, for they were so afraid. Mm. And there was a cloud that overshadowed them, and a voice came out of the cloud, saying, this is my beloved son. And suddenly, when they had looked round about, they saw no man anymore, save Jesus, only with themselves. Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. He revealed some few things to them there. Er hat seinen Jüngern einige Dinge dort offenbart. Ici, il a révélé à ses disciples quelques vérités. Amen. Yeah. The transfiguration is very powerful. Amen. Die Verklärung ist sehr kraftvoll. La transfiguration est vraiment Jesus revealed Christ. Jesus hat Christus offenbart. Jésus a révélé le Christ en lui. The Son revealed the Father. Der Sohn hat den Vater offenbart. Le Fils a révélé le Père. The outside, the outside revealed the inside. Das Äußerliche hat das Innerliche offenbart. L'extérieur a révélé l'intérieur. Amen. Mm. Amen. Amen. Amen. Amen. The inside is Christ Jesus. Das Innerliche ist Christus Jesus. L'intérieur c'est Christ, c'est Jésus, c'est le Christ. The inside is always Christ. Das Innere ist immer Christus. L'intérieur est toujours l'esprit et toujours le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We continue from here on. Could not go far at all. Praise the Lord. But we still gain it. Amen. Yeah, amen. We did not lose anything. Amen. All the teaching was all supernatural. Amen. All wonderful. Amen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah.